Johnny Kasumai, Johnny Kasumai, la paix dans le monde, la paix au Sénégal, la paix en Afrique, partout la paix. Emetekan emit ne jamolal, man e accepte olal les vœux sakilia. Koutiom di koulinom, olikokune safol, di mi ou kamé manji lako e manji janten l'émission ou ye yanemi la voix des jeunes, Buronsi Kambano. À travers Radio Tandouk online nan mankane meno samedi yo samedi pendant lañu la betate mandu mikel à partir de midi heure yata Sénégal sinon 8 heures de New York donc di safu memek jiat du badialé entrevue yemek mo kami vraiment pendant lañal bori khsankeno lal kolola kandu manju mataw sanke noral du fanga man du jamorale mata kankan ku jaburun kololal kambu babu sinda yololal bo kazamas di enges bot bu rock bori majake mololal majaka moy mi mai mata di manje musisamu momu di kayito ni monone bot wa fwa djupo e babu yeta mayololal ko kakilia europe ku pulo ko la kori association yankulobemi fas la fédération des associations de Casamance de l'extérieur bu kan kolola kambo babu tieng kombori kajojor mankono re djuk manku bile kan mbi ku rampenor di buko di pop di ku rampen mata esuka yolola yatemi Casamance donc chers auditeurs bonjour. Nous sommes encore revenus sur notre plateau ici, la voix des jeunes, Buronsi Kambano. Et je souhaitais d'abord en Diola, bien sûr, à travers cette chanson, notre générique, qui souhaite la paix en Casamance, la paix dans le monde, la paix en Afrique, la paix notamment au Sénégal. Cette paix, vraiment, on y croit et on pense qu'un jour, il y aura la paix, que les gens vont se serrer les coudes, les mains pour travailler ensemble. Parce que je dis toujours que pour qu'il y ait développement, épanouissement, il faut vraiment une paix. Et une paix vraiment durable, une paix définitive. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir deux invités ici sur notre plateau et aussi à travers eux, nous avons notre représentant à Bignona, Momodou Lamine Djemé, qui nous a écrit un article dans Tandouk.net parlant de Karthiak, du Boukout de Karthiak. Donc, nous avons une équipe actuellement présente avec lui à Bignona pour nous parler de la FAS, la Fédération des associations des Casamançais de l'extérieur. Donc, en l'occurrence, nous avons donc Monsieur Aliou Sané et compagnie qui sont actuellement en tournée en Casamance pour promouvoir, sinon voir les faisabilités par rapport à un projet qu'ils ont pour la désalinisation de la région. Parce que vous savez, il y a plusieurs localités qui aujourd'hui, vraiment, les zones ne sont pas cultivables parce qu'il y a la remontée du sel. Donc, ceci dit, ils sont vraiment à l'écoute actuellement. Nous allons, sans plus tarder, aller les chercher. Comme ça, ils vont nous présenter leur projet, leur association et nous dire qu'est-ce qu'ils ont eu à recueillir en Casamance à l'issue de cette tournée. Mais, entre autres, nous aurons aussi Deux invités spéciaux. Il s'agit de Jeannot, qui est vraiment un grand internaute dans Facebook. On voit tout le temps ses publications avec ses belles photos de la Casamance qu'il nous présente. Nous, étant loin, vous savez, les médias sociaux aujourd'hui occupent une place qu'on ne peut pas renier dans le monde. Donc, Jeannot, il a un organe qui fait des collectes. Aujourd'hui même, il devrait faire une collecte aujourd'hui au niveau, je pense, de l'Université de Dakar. Et cette collecte est destinée à une école au niveau de Jigenshor. Et par la suite, nous avons l'autre qui a donc sa page « J'aime ma région ».« J'aime ma région », si vous êtes vraiment amis de Facebook, vous allez le voir. Il publie tout le temps des très belles photos des sites de la Casamance. Et on va aller aussi les chercher pour les présenter à nos auditeurs et puis leur faire une petite entrevue parce que il faut encourager ce genre d'initiative parce qu'aujourd'hui, la région a besoin de promotion, la région a besoin de développement, la région a besoin des gens à qui parler, mais au niveau des médias. On sait que les gens sont là-bas, ils parlent entre eux, ils font leurs activités, mais aussi on doit médiatiser ce que nous faisons. Aujourd'hui, les médias, c'est ça qui occupe la société. Donc, je vais vous laisser avec une intermède musicale. En attendant, on va aller chercher donc notre équipe Abignona et qui vont donc venir faire l'exposition. Mamadou Lamine Diémé, notre représentant à Bignona, qui va donc sans plus tarder faire l'entrevue de cette équipe qui est présentement en Casamance, la face. Allô Mamadou Lamine. Oui. Oui, bonjour. Allô. Bonjour. Oui, donc vous êtes en direct sur Radio Tandouk et puis le micro est à vous. Merci beaucoup, je vous remercie. Chers éditeurs de Radio Tandouk Online, bonjour. Vous suivez en ce moment l'émission. La voix des jeunes, Bouronsi Kambal. Allô? Allô? Allô, oui. Allez, oui. Il y avait une coupure là, oui, allez-y. Voilà. Bonjour. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs de Radio Tandouk Online, bonjour. Vous suivez en ce moment l'émission hebdomadaire intitulée « La voix des jeunes, Bouronsi Kambano » depuis la capitale du Founi, Bignona, dans la région sud du Sénégal. Ok. Bonjour. Oui, Lamine, il faudrait pas écouter le retour. C'est-à-dire, en ce moment, il faut arrêter la radio. Comme ça, vous serez en direct. Sinon, vous serez perturbé parce qu'il y a un retard. Oui, il y a un retard. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut arrêter le volume de l'ordinateur pour que vous n'écoutez pas le retour. Parce que sinon, vous aurez un retard, vous serez perturbé. Et vous allez, parce qu'on vous écoute, ça passe en direct comme ça. Ok. Alors, je disais tantôt, chez l'unité de Radio Tambour Online, bonjour. Vous suivez en ce moment l'émission hebdomadaire intitulée. Ouais, ok, on arrête la radio. Chers auditeurs de Radio Tambour Online, bonjour. Vous suivez en ce moment l'émission hebdomadaire intitulée La voix des jeunes Burundi-Kambano depuis la capitale du Founi, Bindiona, dans la région sud du Sénégal. Au micro, Mamadou Malem Diémé, pour la présentation de cette émission. Et mes honorables invités sur ce plateau sont M. Aliou Samé, le secrétaire général de la FAS, M. Enrico Di Pasquale, représentant de l'ONG AICAR. J'avoue que c'est un énorme plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour nous parler de votre tournée dans la région naturelle de la Casamance. Alors, sans plus tarder, je vais adresser la parole à M. Aliou Samé, qui va nous parler de la FAS. Ensuite, après Aliou Samé, nous aurons M. Enrico Di Pasquale aussi, qui va nous parler de son ONG AICAR. Voilà, monsieur Samé, je pense que vous avez la parole, et comme ça, vous pouvez expliquer ce que c'est que la FAS pour les écouteurs, les auditeurs qui nous écoutent. C'est pas... Allez, oui. Bonjour avec la radio Tambour et à qui vraiment nous souhaitons vraiment une bonne réception aujourd'hui à Radio Tambour. Bon, nous c'est la Fédération des associations casamancaises de l'extérieur qui s'appelle la FAS. Cette association est créée en 2009 dans le cadre du développement rural au niveau des trois régions de la Casamance. Bon, la FEDRE, bien vrai, les immigrés, nous sommes les immigrés et on a fait l'Europe. On s'est vu que depuis que des années, une décennie, bon, le diaspora avait certainement des difficultés pour s'informer, pour se mettre toutes les idées ensemble. Bon, l'association, par l'occasion de l'association Diamoral, une association qui est basée en Italie, qui œuvre dans le cadre social, bon, a lancé un programme de dire que pourquoi pas de regrouper toutes les associations casamancaises de l'extérieur sur un bloc d'une fédération. Et au niveau de l'Italie, on a envoyé des gens pour aller faire une sensibilisation au niveau de la France, au niveau du Portugal, de l'Espagne, et j'en passe dans d'autres pays. Bon, l'appel a été entendu par, disons, les pays que je viens de noter, d'appeler, et j'ai répondu favorable à l'événement à qui on avait invité toutes les autorités des trois régions, telles que Jigensor, Sédio et Kolda. Bon, et au niveau du Jigensor, il y a ARD qui a représenté toutes les élus locaux et le président du conseil régional. Au niveau de Sédio Kolda, il y a Mamadou Malem Diémé qui a représenté la jeune aussi. On a tenu une réunion de deux jours avec tous les pays de l'extérieur. Et finalement, on a tenu un bon consensus de trouver d'être toujours ensemble. Et nous faisons des déplacements durant 2009 jusqu'à présent. D'ailleurs, on fait un forum, on a fait un forum au niveau de la France et à Paris. Tout récemment, il y a une réunion qui a été déroulée au niveau de l'Espagne dans le cadre de chercher des solutions et pour trouver au moins quelque chose de fiable. Mais notre plan visé, c'est la salinité au niveau de la Casamance. Et on a vu que c'est une situation qui préoccupe toute la population casamanceuse et que et nous autres, vraiment, nous voyons qu'on ne peut pas regarder sans pour autant faire des interventions. C'est la raison pour laquelle nous soumissons, on est descendu sur le terrain, discuter avec les autorités de chaque région, les présidents des communautés rurales, et quand même la mission a été bien passée. Bon, je vous laisse donner la parole à M. Djembe, certainement, il va compléter le reste. Ok, merci. Alors, merci M. Sané Aliou, c'est le secrétaire général de la FAS. Il nous a un peu parlé de l'objectif de la FAS, ce que j'ai voulu. Pour le deuxième invité, je disais que tout à l'heure, nous avons M. Enrico Di Pasqua, lui aussi, il est le représentant de l'ONG ICAR. Il va nous parler de ce que c'est ICAR. Oui, bonjour, moi je représente l'ONG ICAR, c'est une ONG italienne. Moi, si je suis italien, donc je m'excuse pour non français, ce n'est pas parfait. Et mon ONG est née dans l'année 2000 en Italie, et avec le but originaire d'aider les communautés immigrées en Italie. Donc on a travaillé, on travaille encore avec les communautés qui vivent en Italie, qui viennent de plusieurs pays, surtout de l'Afrique de l'Ouest, comme Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, Maroc, etc. Et en travaillant avec eux, on a découvert qu'ils sont aussi engagés pour aider leur pays d'origine. Donc on a dit pourquoi on ne peut pas aider ses amis à aider leur pays d'origine. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à travailler dans le domaine de la coopération internationale et on a organisé des projets pour aider les pays de l'Afrique de l'Ouest. Toujours ensemble aux communautés de ces pays qui vivent en Italie. Dans ce cas particulier, on travaille en Casamance depuis l'année 2005 avec l'association Diamoral. Et on a travaillé surtout dans la région de Divinchor. Et on a fait beaucoup de choses. Et l'idée de mon ONG, c'est de travailler toujours avec les autorités locaux et les communautés locaux. Donc, on ne cherche pas à imposer notre idée de développement aux populations, mais on va chercher avec les populations quelles sont les solutions pour leurs problèmes. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille dans plusieurs domaines et toujours on cherche avec les autorités et les communautés quels sont les problèmes, les nécessités, les urgences et quelles sont les possibles solutions à ces problèmes. Dans le cas de la Casamance, on a fait une mission en 2005. On a remarqué que le problème principal, c'est la salinité des sols. Donc, on a dit, il faut faire quelque chose parce que ici, il y a beaucoup d'eau, mais cette eau, souvent, n'est pas utilisée par les populations. Donc, il faut aider ces populations à trouver des solutions pour ces problèmes. Donc c'est pour ça qu'on a commencé d'abord avec Diamoral et maintenant avec la FAS aussi à travailler sur ces problèmes et chercher ensemble des solutions. Donc cette mission, c'est juste pour travailler avec les autorités locaux et les populations pour chercher des solutions aux problèmes dans le domaine de développement rural surtout. Merci, monsieur Enrico. Dis quoi? pour la présentation de son ONG dont il est le représentant, iCare. Donc vous constatez qu'il y a FAS et iCare, donc c'est des gens qui travaillent ensemble. De toute façon, je ne sais pas si vous avez encore quelques questions à poser avant de continuer notre interview. Sinon, nous allons continuer. Et de toute façon, dès que le besoin se fera sentir de votre côté, je pense que vous pouvez réagir à tout moment. Hein. Comme ça, on va vous prendre. Hein. Il y a voilà. Pas de problème ensemble. Donc, vous pouvez y aller. Continuez. D'accord. Alors, pour M. Stané, je vais vous adresser la parole pour encore maintenant commencer mes questionnaires par rapport, et vous pouvez répondre. Dans un premier temps, je vous avais parlé déjà de quelque chose que vous êtes en train de vouloir faire, d'accord, dans la région naturelle de la Casamance. Si c'est le cas, avez-vous déjà des projets ou vous n'avez pas, vous voulez encore créer? Où est-ce que vous en êtes réellement? Bon, pour créer la FAS, comme je viens de dire, qu'elle vient d'être née en 2009. Bon, c'est l'association Diamora qui a, disons, organisé cette fédération à qui on travaille ensemble avec nos partenaires. Pour le moment, nous sommes en étude avec les populations pour pouvoir trouver un terrain d'entendre et proposer les populations, écouter les populations, s'exprimer sur leurs besoins, et nous, on vient en aide. Raison pour laquelle on a sionné toutes les raisons, on a vraiment ciblé tout ce qui est difficulté des populations, et sur ça, il y aura certes un document qu'on va présenter au niveau des bailleurs. Okay. Merci. Alors, une autre question, toujours, c'est toujours dans le même cadre. Alors, vous parlez de faire quelque chose. Alors, vous avez fait une tournée, naturellement. Tout le monde sait que vous avez fait une tournée. Mais je voudrais avoir une idée de quelles sont les zones qui ont été ciblées pour votre projet ou pour ce que vous voulez faire dans la Casamance naturelle. Quelles sont les zones ciblées? Bon, les zones ciblées, c'est pour toute la Casamance, hein, les trois régions. Bon, mais au niveau, lorsqu'on a travaillé avec l'ARD, on nous a orienté quelques communautés rurales dans chaque région. On a contacté deux présidents des communautés, telles que à Moulamp de Bignona, avec Enyab, Sidia Enyab Sembou, avec qui on a parlé beaucoup avec la population et on a trouvé une conclusion de ce que la population veut. Et au niveau de la communauté rurale de Wong, il y a Momodou Badji, si on a parlé avec lui, et au niveau de la communauté rurale de Wong, ils nous ont proposé quelque chose qu'on a pris bonne note et une chose à faire. Donc, au niveau de Seydou aussi, on a contacté la communauté rurale de Gyanaba. Bon, Gyanaba, on a parlé avec la population, bon, on s'est mis d'accord avec sur situation. Toujours avec l'appui de l'ARD de Seydou. Et on était parti à Diaroumé avec la population. Tout nos tournées, nous écoutons la population s'exprimer et avec un commun accord de tirer une conclusion finale. Parce qu'on s'est dit que bon, écoute, bon, il ne faut pas proposer la population, mais c'est la population qui propose et trouver des solutions ensemble. Et au niveau de Sidiou, de Kolda, on a aussi avec l'ARD contacté les gouverneurs. Toutes les visites, toutes les rencontres qu'on a fait, on a visité les gouverneurs, les présidents des conseils régionaux, tout ça. À Kolda, on a travaillé avec aussi ARD. Ensuite, ils nous ont proposé des communautés. Et Dorna, à qui on a travaillé avec la population, et Kerewan aussi. Et on a des conclusions. Tous ces six communautés, on a dû parler avec tous et on a bien tenu de bons rapports et on a bien noté que si Dieu le veut, comme on le dit, bon, ce sera réalisable. Oui, encore, merci M. Sané. Encore une autre question, mais cette question a trait par rapport à la population à qui vous voulez aider. Alors, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que vous attendez de la population en contrepartie. Si vous voulez aider quelqu'un, n'est-ce pas? Vous attendez de lui quelque chose. Bon, c'est quoi ce que vous attendez de la population? fait, bon, comme il vient de dire d'attendre quelque chose, nous, on n'attend pas une grande chose avec la population. C'est la volonté de la population. Et la volonté, il faut aussi, peut-être le projet que eux, ils ont dit que c'est un projet qu'ils veulent. Donc, qu'il soit approprié au projet, la bonne gestion. Peut-être comme dans ce projet, on demande bon, la part, la participation de la population, donc le code part quelque sorte, mais c'est juste, c'est dans le cadre ou peut-être le complément du document. Mais tout ce que nous voulons au niveau de la population, des populations, c'est vraiment de s'intéresser de ce qu'ils demandent et de prendre ça comme leur bien et de prendre ça comme leur propriété et de prendre ça comme c'est ça qui va être leur avenir. Alors merci, je pense que je donne la parole à M. Enrico, voilà, je passe quoi. Et lui aussi qui va un peu parler. De toute façon, il me dit que depuis 2005, ils ont eu à travailler un peu déjà à quelque chose comme ça, avant que n'arrive l'ONS, avant que n'arrive FAS. Monsieur Enrico de Pasqua, qu'attendez-vous des autorités locales et régionales de la région naturelle de Ziguinchor? Puisque vous avez eu à travailler un peu pendant un certain nombre de temps, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Qu'est-ce que vous comptez pour eux pour mener à bien vos projets? Bon, je pense que souvent, il y a des projets, des ONG qui travaillent sans contacter les autorités locaux. Ils font leurs projets, mais souvent, ces projets n'ont pas ne portent pas de bénéfices aux communautés. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler avec les autorités et les populations même, parce qu'on veut que le projet, c'est pas nous qui amène le projet, mais c'est la population qui gère ça. Nous, on veut aider les populations à s'aider. Donc, le soutien des autorités locales, de la gouvernance, du conseil régional et de l'ARD, c'est important parce que ils peuvent contrôler, avoir une connaissance de la réalité que nous, de l'Italie, on ne peut pas avoir. Donc, c'est pour ça que aussi, si le projet va démarrer, nous, on n'a pas un siège ici en Casamance, donc il faut travailler toujours avec qui est ici, qui c'est dans le point de vue dans les voies de plus politique, c'est le conseil régional et la gouvernance, et dans le point de vue technique, c'est l'ARD. Ok, merci. À part les autorités et l'ARD, est-ce que vous avez des représentants locaux, des gens qui vous représentent, parce que c'est sûr que vous êtes loin, une fois après vous allez partir, mais naturellement, votre travail doit être suivi et vous devez avoir des gens qui doivent vous rendre compte. Est-ce que vous avez des partenaires locaux sur place avec qui vous allez faire la continuité du travail? Bon, en première chose, je pense que notre point de force, c'est de travailler avec les Casamansais qui vivent en Italie. Donc, grâce à eux, on a toujours un contact direct avec la Casamance. Ici, comme je viens de dire, on travaille avec l'ARD et avec des ONG locaux qu'on a connus dans cette mission. Je parle de l'ONG Agada, qui nous a aidés à détecter un peu les problèmes des communautés. Et on a travaillé aussi avec le proviseur du lycée technique agricole, Emile Badian, c'est M. Ibu Diedu. Et avec lui, on est en train de gérer un projet à Silinkin. On vient de le visiter, on a envoyé des tracteurs et on est en train de commencer un peu un travail de un projet rural intégré. Ça veut dire élevage, agriculture, rizière, maraîchage. Donc, on a, je pense, un bon réseau de partenaires locaux, des gens qui veulent travailler pour le développement de la Casamance. Merci, monsieur Enrico de Pasqua. Alors, je vais adresser la parole à monsieur Sané. Juste pour vous demander, je pense que ça doit être la dernière ou l'avant-dernière question. Comment vous êtes débrouillé, comment est venue l'idée de travailler ensemble avec AICAR? Parce que vous êtes FAS. Il y a FAS qui est une fédération, comme vous l'avez expliqué, de Casamance, de l'extérieur. Et lui, il est à AICAR. Il nous a expliqué ce que c'est AICAR. Mais comment est venue l'idée de travailler ensemble là? Comment est venue l'idée? Ça marche bien le fait d'aller ensemble? Oui, je dis que ça marche bien et surtout très bien. Du moment où, c'est comme je viens de le dire, qu'il y avait une association, on dit que l'association Diamoral. Diamoral qui a travaillé avec AICAR depuis 2005. On faisait des tournées de visites de courtoisie de vacances avec notre président Mouhamed Lamine Diéliou. Bon, à l'occasion de cette visite, ils se sont dit que bon, il faut, pourquoi pas, vraiment encore, de pousser encore la réflexion à haut niveau européen. C'est la raison pour laquelle que cette idée est venue de créer la fédération qui pourrait vraiment appuyer, faire fonctionner dans tous les pays européens pour que la situation soit vraiment, les gens soient imprégnés sur le problème de la Casamance. C'est l'idée venue comme ça de l'association Diamoral qui a convoqué un forum. Et c'est à l'issue de ce forum est née la fédération. Et ça regroupe même les mandats, ils sont là-dedans. C'est tout fils de la Casamance. C'est pas ni Diola, ni Paul, tout natif de la Casamance à l'extérieur. Ouais, ce sont ces éléments-là qui ont formé cette fédération. Merci Aliou Sané. Je pense que maintenant, le micro sera ouvert pour les auditeurs qui auront à intervenir par rapport à des questions ou de chercher des précisions. De toute façon, nous sommes à votre disposition et nous restons à l'écoute. Pour le moment, vous pouvez mettre votre tempo musical ou dès qu'il y a des réactions, s'il y en a, ils sont prêts pour répondre à certaines questions. Et même vous, si vous avez aussi des questions à poser par rapport à nos autres invités, vous pouvez le faire en attendant avant les auditeurs. Ça dépend. Sinon, vous faites un tampon musical en attendant de nous reprendre encore plus tard. Le temps de prendre quelques gorgées, c'est pas mal aussi. C'est déjà chaud chez nous ici. Alors Lamine, donc, comme on le dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vous remercie, je vous félicite donc pour cette entrevue. Et d'abord, c'est juste pour revenir un peu avec Aliou Sané, si vous me le permettez, pour ce qui concerne la FAS. Oui, je voudrais poser cette question, bien sûr, d'abord les remercier parce que vraiment c'est courageux et ambitieux que de vouloir donc regrouper toutes les associations de Casamance et de l'extérieur. C'est une grande ambition, vraiment bravo. Mais entre autres, c'est juste pour demander si en dehors de ces pays qui ont déjà joint la FAS, qui sont donc l'Italie, il nous a parlé ici l'Italie, la France, Belgique, l'Espagne. Est-ce qu'ils sont toujours dans la dynamique de continuer à fédérer? Parce qu'il va de soi, les Casamance, bien sûr, aujourd'hui ne sont pas qu'en Europe. Il y en a aux États-Unis, il y en a jusqu'au Canada et partout dans le monde. Est-ce qu'ils ont pensé à mettre une équipe qui continue à dynamiser pour donc continuer à fédérer les Casamance? Et ma deuxième question sera donc pour ce qui concerne le projet, les projets qui sont en train de financer en Casamance. Je ne sais pas si ça sera Ali ou bien monsieur de AICAR. Est-ce qu'il y a des critères de sélection par rapport au projet que les villages ou bien la communauté casamanceuse présente? Parce que je sais que les projets, ça ne finira jamais. Est-ce qu'il y a des critères de sélection? Et s'il y a des critères, lesquels? Je vais donc m'en tenir à ces deux questions en ce moment pour permettre aux autres auditeurs aussi d'intervenir. Merci. Merci beaucoup, monsieur. En ce qui concerne l'association d'Afrique, donc au niveau de Canada, nous avons aussi nous sommes en train d'avoir des contacts et de continuer toujours. La fédération dit que c'est pour tout ce mondial, je peux dire. On ne va pas s'arrêter au niveau de l'Europe seulement. Il y a d'abord le Canada. On a des contacts, des bons contacts avec les gens des immigrés du Canada. Au niveau des États-Unis, tout récemment, bon, il y a un forum qui devait être organisé le mois d'octobre, mais actuellement c'est poussé jusqu'au mois de novembre. Nous sommes en train de travailler là-dessus et qu'il y a une équipe qui devait se présenter au niveau des États-Unis. Bon, pour les critères au niveau peut-être sélectionné ou bien, non, nous on s'est dit que le contact avec, parce que l'ARB, ils ont un plan de développement local. C'est sur ce plan, si on dit que bon, au niveau de la région de Ziguinchor, ils nous ont choisi deux raisons, deux communautés rurales. Donc, on est passé à Molomp. Après avoir parlé avec la population de Molomp, ils voient que bon, l'urgence c'est quoi? C'est peut-être les digues anti-sel. On dit que bon, présente-nous le projet des digues anti-sel. Et nous, on part avec, nous voulons que notre mission d'aller avec les projets en main. Arrivé, nous, on dépose et juste, c'est une bande de projets qui est en cours jusqu'au le mois de fin de décembre, 1er janvier. Automatiquement, on va commencer à certainement financer ces projets. Mais il n'y a pas de critères. Tout le monde, c'est on dit qu'on va travailler pour toute la population casamassa, sans exception. Et toutes les communautés rurales, sans exception. Et ça, c'est certainement mon souhait d'aller visiter tous les villages casamassais, mais comme le temps est vraiment petit, certainement l'ARD nous a orientés sur les deux communautés, mais on travaille en commun accord avec toutes sortes de communautés et tous les villageois. D'ailleurs, à Molomp Kassa, bon, on a fait quelque chose, c'est urgent, problème d'eau. Au niveau de Mampan, case de santé, au niveau de Bingena aussi, autant il y avait, c'est l'association de Moral qui avait intervenu là-dessus, un problème de lit. C'est les malades, quand on porte un malade, il est là, on le met par terre, bon, on s'est dit que bon, pourquoi pas soutenir nos parents qui sont là au niveau de l'hôpital de Bingena. Et l'école de Djegoun aussi, on a intervenu, il y a du Bingena. L'association de morale a intervenu. Comme je dis qu'on ne peut pas, disons, parler de la fédération sans pour autant prendre l'initiative de l'association de morale. C'est lui qui a regroupé, qui a coordonné pour arriver là où nous sommes au niveau fédéral. Donc, si je me dis, je ne sais pas, je suis un peu long, mais s'il y a un manque de, comment encore de réponse, veuillez, je suis toujours disponible pour compléter. Merci beaucoup, monsieur. Parfait pour votre question, je vais le prendre parce qu'il y avait effectivement des auditeurs qui voulaient, au moment où j'étais en train de vous poser la question, d'appeler, je vais voir si on peut les reprendre sans plus tarder parce qu'il y a des numéros. Moi, j'essaie de l'avoir en ce moment. Pour les auditeurs maintenant. Oui, c'est ça. Attends, on va essayer de reprendre. Il y avait deux éditeurs qui étaient en ligne en ce moment, mais malheureusement, ça n'a pas passé. Allô? Allô? Oui. Allô? Allô? Allô? Allô, oui. Oui, allô. Oui, allez-y, on vous écoute, Muniru. Ok, donc, bonjour à tout le monde. Moi, je vous appelle de Montréal. Apparemment, avec M. Djemé Landiata, donc, je vous remercie au passage parce que aujourd'hui encore, nous sommes dans une émission qui parle encore de la Casamance, notre chère région que nous aimons bien. Donc, au passage, je félicite Radio Tindu pour. Tous ces efforts qui sont consentis pour vraiment l'émergence de la Casamance. Entre autres, remercier aussi les représentants de l'ONG IKA et IKA et aussi le représentant de la Fédération des associations Casamance à l'extérieur. Tout à l'heure, quand M. Djemé a posé cette question, il m'a un peu marché sur la langue. Et en quelque sorte, moi, ce n'est pas plutôt pour des questions, mais c'est juste des suggestions. Par rapport à ces deux questions qui sont très pertinentes. Parce que, ok, c'est bon de nous dire que vous avez mené des contacts avec des entreprises qui sont ici au Canada, aux États-Unis. Mais vous parlez dans l'acronyme même de l'association, vous dites Fédération des associations de Casamance. Donc, dès que nous sortons du Sénégal, nous sommes à l'extérieur. Est-ce que nos frères qui sont en Gambie, nos frères qui sont au Gabon, en Guinée équatoriale, en Côte d'Ivoire, est-ce que tous nos frères et sœurs là sont impliqués, je ne pourrais pas dire en ce moment-là d'implication, mais est-ce qu'ils ont été approchés? Parce que nous parlons, nous cherchons à développer toute une région. Donc la synergie des efforts, est capitale. Est capital. Donc, c'est quelque chose, donc une suggestion que je fais, que oui, c'est bon de regarder l'Occident, c'est bon de regarder l'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis, mais aussi, n'oublions pas que nous avons des frères et sœurs qui sont à l'extérieur du Sénégal, évidemment, qui se vivent au Gabon, qui peuvent parler des expériences dans ces pays-là, ont peut-être le pied anglais à apporter dans la construction de l'esprit de la Casamance. Donc, ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point de vue, c'est que quand vous dites, monsieur Sané de la part, quand vous posez la question, vous dites qu'il n'y a pas de critères, il n'y a pas de critères, vous travaillez avec tout le monde. Oui, c'est beau. Mais moi, habitant de Baïla, si vous choisissez à la place Tendouk, il faut me fournir des explications pour me dire pourquoi vous avez choisi Tendouk et pourquoi pas Baïla. Donc, quand on parle de critères, ce n'est pas pour forcément sélectionner, mais des critères aussi. On peut mettre des critères pour expliquer son choix. Donc, raison pour laquelle c'est important aussi que vous faites de façon formidable. Vraiment, une idée que j'approuve beaucoup. Parce que pour moi, toute personne qui œuvre pour la paix, pour le développement de la Casamance, je ne peux que t'applaudir. Et te soutenir si jamais l'occasion m'est offerte. Mais, aussi, quand même, quand vous choisissez une localité, quand vous choisissez une zone, que vous puissiez donner les explications basées sur des critères connus, pour pas vous choisissez cette localité. Je pense que la question de Guémé tout à l'heure, c'était dans ce sens-là. Je suis encore dans l'écoute de l'émission. Peut-être que j'aurai d'autres interventions, mais pour l'instant, donc juste vous saluer, vous encourager, surtout de me dire, ratissez large, parce que la Casamance ne s'est pas faite en un seul jour, elle ne se fera pas aussi par un seul homme, ni par une seule association. Merci beaucoup. Ok, merci. Salut à vous. Ouais, et c'est bien dit, je le remercie beaucoup avec vraiment une contribution qu'il a fait. Et de travailler, c'est pas bien vrai, on est en Europe, mais on dit que ressortissant une fédération, des associations des ressortissants de la Casamance. Je crois que toute fois que tu sors, mais en Gambie, tu es hors du pays. Donc nous travaillons avec toutes sortes des Casamances qui sont à l'extérieur. Gambie, c'est l'extérieur du Sénégal. Donc, on travaille. Là, comme je viens de dire que c'est en 2009, c'est récent. Même au sein de l'Italie, d'ailleurs, la sensibilisation reste. Nous y continuons. Lorsque Mohamed Lamine Dramé et Boubacar Sanko étaient venus, on leur a sollicité de dire que, bon, écoute, il faut nous aider sur la sensibilisation des autres pays qui sont à l'extérieur, tels que la Gambie, comme ils viennent, Côte d'Ivoire, tout ça. Mais nous sommes en train de prendre des contacts. Comme lui, il connaît et appeler quelqu'un pour dire que venir être dans l'association, c'est pas facile, mais nous travaillons avec les moyens de bord et nous sommes en train toujours de continuer sur la sensibilisation. Comme je dis, c'est pas facile, c'est bien vrai, mais tout ça, on va pas baisser les bras pour dire que c'est difficile. On va travailler comme nous sommes en train de travailler. Et tous les fils de la Casamance, il entend cette mission, bon, nos contacts, on va laisser ici nos contacts pour qu'ils puissent vraiment, disons, intervenir ou donner leur point de vue. Comme il vient de dire que comme Baïla qui l'avait appelé, pourquoi on a fait tant de choses, c'est une communauté rurale. Bon, Baïla, je ne sais pas si c'est une communauté rurale ou bien c'est un village. Nous sommes dit que bon, au niveau de l'ARD, ils ont un plan annuel de développement qu'ils nous ont présenté. Ils disent que bon, écoute, nous on connaît, on vient, nous sommes de la Casamance, mais ARD est plus proche de la population. Et ce sont eux qui nous ont présenté. Donc, dans chaque raison, une fois que nous allons dans la raison, on dit que bon, voilà la mission, maintenant, vous nous orientez là où nous devons aller. Et nous ont orienté quelque sorte comme Moulamp. Et certainement, un jour, avec Moulamp, ce sera Baïla. Moi qui parle avec vous, mon village est là, à Diagour, mais je ne suis pas parti là-bas. Et je pourrais bien le bien choisir mon village, je dis que mais cela, peut-être, je ne vois pas l'importance de choisir mon village, étant donné que mon village, peut-être, l'armée m'a choisi un autre village. Je dis que c'est de travailler avec toute la population casamanceuse, c'est ça. Et tous les villageois, notre point fort, c'est comme ça, sans distinction. Mandole, pour tout ce qui est casamanceuse, on est pour travailler. C'est juste, je ne sais pas, peut-être... C'est trop dit, c'est mal dit. Les gens qui m'écoutent, bon, ils devaient me comprendre. Voilà. Ok. Ok, monsieur. Merci, monsieur Sané. On va donc remercier aussi monsieur Mouniru Guémé depuis Montréal. Et là, maintenant, on avait aussi un appel du Sénégal, d'un de nos auditeurs, Boubacar Salifana Diata. On va aller le joindre s'il est encore là pour sa question. Il avait appelé tout à l'heure en même temps que Moniru et on ne pouvait pas le prendre. Allô? Oui. Oui, Salifana, ils sont à l'écoute. Allez-y. Allô? Il est en train d'intervenir. Oui, monsieur. Oui, non, il a fini. D'accord, oui, juste. Il a fini. Non, il a allez-y. Oui, je suis à l'écoute. Là, il n'a pas terminé, il est en train de répondre. Non, n'écoute pas la radio, il a fini. N'écoute pas la radio, vas-y, tiens en direct, il a fini. Ah d'accord, ok, je vous remercie beaucoup. Alors, moi, j'ai d'abord à féliciter M. Sané, si j'ai bien retenu, et M. comment il s'appelle, Président Aïkar. Alors, aussi, si j'ai bien entendu, d'abord c'était juste pour une question de précision. D'abord, quand Sané a parlé, je l'ai entendu. Allô? Oui, allez-y, c'est bon. Voilà, j'étais en train d'écouter les interventions de M. Sané et M. le représentant de Aïkar. Oui. Là, je l'ai entendu parler d'hôpital. Au niveau de Bignona, je crois, et une question aussi d'éducation au niveau d'une école où ils ont parvenu à intervenir sur un domaine bien précis. Ensuite, le monsieur, le représentant de AICA, je l'ai aussi entendu parler de ferme intégrée, où il a parlé de l'agriculture, de l'élevage, etc. Est-ce que ça voudrait dire que vos interventions sont aussi globales dans ces domaines bien précis tels que l'éducation, l'agriculture, l'élevage et la santé? Et si c'est ce cas bien précis, est-ce que aujourd'hui... Oui, allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Allez-y, Salifana, continue, on vous entend bien. Voilà, ok, donc je revenais un tout petit peu, c'est-à-dire... Allô? Allô? Oui, on t'entend bien, vas-y. Oui, c'est-à-dire, je ne sais pas, moi je suis un peu dérangé, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui parle de côté ou quoi. Non, c'est peut-être de ton côté. De notre côté ici, ça passe très bien pourtant. Ah, donc il faudrait que j'éteigne d'abord la radio alors. Oui, c'est ça. Il ne faut pas écouter la radio. Il faut arrêter le volume de ta radio parce que sinon il y a un retard par rapport à ce qui s'est dit. Très bien alors, voilà. Voilà. Donc je reviens un tout petit peu aussi sur mon introduction. C'est-à-dire, j'ai entendu parler de santé, d'éducation, j'ai entendu parler d'agriculture intégrée telle que l'élevage, le maraîchage, etc., etc., par monsieur le représentant de AICAR. Ça veut dire que vos interventions sont aussi diversifiées pour la région ou bien c'est des cas bien précis, c'est-à-dire c'est des actions ponctuelles que vous avez vécues et vous voulez les régler en attendant. Ça, c'est d'abord ma première interrogation. Ensuite, la deuxième, c'est que vous avez dit que vous existez depuis 2009 et depuis 2009, vous êtes en train de faire des tournées. C'est ça la direction, la destination de ces tournées que je voudrais aussi comprendre. C'est au sud, c'est-à-dire en Casamance, ou bien c'est partout dans le monde où vous, comme vous êtes des ressortissants. Et ensuite, il y a eu l'intervention de monsieur le représentant de la radio Tendouk Online au niveau de Bénin qui disait que. Qui posait la question à savoir est-ce que vous aviez des représentants au niveau local et vous avez répondu que vos représentants sont actuellement l'ARD de Sédiou, Ziguinchor et Kolda et aussi les trois conseils régionaux tels que les trois régions que j'ai citées. Est-ce qu'aujourd'hui, ton village qui n'a pas été visité, je prends le cas concret de Tendouk, Tendouk n'a pas été visité et vous avez visité Moulompe, évidemment. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, Tendouk qui présente un projet intégré de développement en dehors de la lutte de votre idée de départ qui est la lutte contre la remontée saline, est-ce qu'aujourd'hui, un village comme Tendouk qui présente un projet intégré de développement local et qui suit le circuit à partir du conseil régional de Ziguinchor ou bien de l'ARD, est-ce que ce projet est recevable? Je dis bien en dehors de votre idée de départ qui est la lutte contre la remontée du sel et qui parle en dehors de ça. Est-ce que ce projet aujourd'hui est recevable par soit l'ONG ou bien la FAS? Ça, c'est une des deuxièmes questions en attendant que je puisse aussi voir ce qu'il faut faire. Merci beaucoup donc Boubacar Salifana Diata. Je rappelle que Salifana est un auditeur fidèle de Radio Tendouk Online, mais en même temps, vous allez décoder à travers donc, sa question que c'est son domaine, le domaine des projets dont il vous parle. Merci beaucoup. Allez-y, Monsieur Sané. Bon, juste peut-être pour les tournées qu'il vient de dire qu'au niveau de la Casamance, on vient juste. Ça, c'est une première mission. C'est un premier voyage. Au niveau de l'Europe, c'était l'association Diamoral, comme j'avais dit depuis le début, qui avait mobilisé, disons, qui a dépensé d'aller au niveau de la France, ainsi de suite, comme des pays de Belgique. C'est pour pouvoir informer, disons, les gens à venir se regrouper en fédération. Bon, c'est déjà fait. Bon, on continue les contacts. On ne s'arrête pas là. La fédération est née, on continue les contrats. Et sur la deuxième, peut-être, on ne s'arrête pas uniquement pour, disons, ou bien la salinité. Si un projet se présente, arrive au niveau de l'Italie ou bien de l'Afrique, la fédération prend ce projet en considération comme quoi le village qui a présenté est mon village. Tandis qu'aujourd'hui, présente un projet qui nous parvient au niveau de la fédération, on prend ce projet en considération, comme tu viens de dire. On ne fait pas de distinction de village. Au niveau de la fédération, et on le met en considération, sans distinction. C'est juste, je ne sais pas, peut-être, c'est compris ou c'est pas compris, mais on le prend en considération. Et pourquoi on a ciblé l'ARD? L'ARD, bon, et comme un conseil régional, tout ça. Bon, l'ARD, lors de la création de la FAS, ils ont montré le système de travail dans le développement local. Donc, on est arrivé ici, on nous a dit que bon, l'ARD, ils nous ont présenté comment ils travaillent en commun accord avec la population. Bon, on n'a appelé ARD comme préférence, mais ça ne veut pas dire que maintenant comme ARD est là, on va peut-être négliger les autres qui sont là. Même au niveau de CEDU, il y a Nimba, un projet qui vraiment qui intervient bien sûr dans le domaine des billets et ainsi de suite. Bon, on a échangé des idées et ils nous ont orientés dans un secteur où vraiment on apprécie beaucoup. Et on travaille avec tout le monde. On travaille avec tout le monde et on est prêt à travailler avec tout le monde. Ah, c'est quelqu'un qui vient de dire que bon, c'est juste pour maintenir les jeunes et faire d'autres préoccupations. Par exemple, laquelle on a le projet intégré de Sileki qui est là. Ils sont en train de travailler et les jeunes sont impliqués sur ce projet. Ils sont en train de faire du dommage. Et ce qui les gagne, bon, ça revient bon, à la population et autres pour qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie. C'est juste ça. Hein. Bon, je m'arrête là bon, pour ne pas. Je ne sais pas si mon frère Salfana était satisfait des réponses. Je ne sais pas, mais c'est juste qu'on est là pour tout le monde. Okay. Okay. Merci beaucoup donc, M. Sané. Et je donc remercie encore Boubacar Salifana Diatta. À présent, nous avons M. Diédiou qui appelle de Washington. Il a le micro. Sané, allez-y. Allô, ouais. Sané? Diédiou, pardon. Allez-y, Diédiou. Alors, bon, qu'est-ce que c'est? Ok, bon, là, je voudrais d'abord te vous remercier très sincèrement du travail que vous êtes en train de battre. Et aussi, personnellement, remercier votre correspondant de Bunyanal, Djemé, je pense que c'est Djemé. Oui, c'est ça. Bah, parce que je l'ai suivi la fois passée lors de l'émission de la semaine passée, lors de la circonscription de Kachak. Le travail qu'il a eu à battre au niveau de là-bas pour, en tout cas, satisfaire les auditeurs de Radio Tambour Online. Et je dis vraiment, sincèrement, que vous êtes en train de faire du bon travail. C'est une radio de proximité, c'est une radio qui est en train de bien travailler pour, en tout cas, informer la population casamarchaise et la population sénégalaise. Sur ce, je voudrais revenir pour d'abord féliciter et remercier très sincèrement vos invités, M. Sané et son collaborateur, le responsable de l'ONG. Et remercier aussi tous les auditeurs qui ont eu à prendre la parole, Mouniro et Salifana. Vraiment, c'est ça. Parce qu'une radio, ça se construit comme ça. On doit démarrer, on doit supporter les gens. Bon, maintenant, concernant nos invités, M. Sané, là, on peut expliquer le problème de la fédération, ainsi de suite, tout ça. Moi, personnellement, je suis le président de l'association des Casamarchais de Washington, où normalement on doit tenir le forum sur le développement de la Casamance au mois de novembre. Donc moi je ne fais que remercier et les encourager. Et que une chose ne peut pas être en tout cas unanime une seule journée ou bien en un seul mois ou bien en une seule année. Et je pense que comme l'on dit quelque part, continuons la sensibilisation pour faire intégrer à cette association tous les Casamançais et toutes les Casamançais de la diaspora de tous bords. Parce que comme on le tient, c'est pas la diaspora en Europe, c'est pas seulement aux États-Unis, en Amérique du Nord, mais en Afrique par exemple, quand si je prends l'association, je pense que ça a des mêmes du côté de cette association, de nos parents qui sont au niveau du Cap-Vert. C'est une association qui est très puissante, ils sont très bien organisés. Et je pense que c'est dans ce sens qu'on va faire un combat ratisser large, ratissons large de telle sorte que nous puissions parler le même langage pour le développement de l'Academent. Parce que moi, comme je l'ai dit toujours, quand on me dit développement de l'Academent, je ne vois pas qui est dedans, qui n'est pas dedans, on avance pour développer notre pays, pour notre région, parce que c'est ça qui est important. C'est dans ce sens même que nous sommes en train de travailler même avec l'association Casa Espoir. Ils vont faire une conférence le 6 prochain. Et moi, je vais envoyer une forte délégation pour représenter en tout cas les États-Unis au niveau du Canada. Donc, on n'attend pas. C'est, la Casamance, c'est notre Casamance, comme je le dis. Et le travail que vous êtes en train de faire, c'est du bon travail. Amenons les opérateurs, amenons les investisseurs au niveau de la Casamance pour permettre à nos populations, pour permettre de démentir ceux qui pensent que en Casamance, il n'y a que la guerre. En Casamance, il n'y a pas que la guerre. Vous venez de terminer une tournée qui a montré que vous avez fait la tournée dans la paix et dans la cohésion avec les populations de la Casamance. Et ça, il faut qu'on prouve cela. C'est dans le sens qu'on doit amener les investisseurs à accepter. En tout cas, on doit faire une mobilisation au niveau de la diaspora pour montrer à tous ces investisseurs qu'il est possible, en tout cas, d'aller travailler en Casamance. Et c'est ça, moi, je voudrais vous dire merci à Sané. Et je vous encourage 100% pour qu'on puisse dialoguer ensemble, parler ensemble et développer la Casamance ensemble. Ce que vous faites là, je suis sûr que c'est du bon travail et toutes les associations on vous rejoint parce qu'on ne peut pas être membre un seul jour. C'est dans la mobilisation, dans le dialogue, qu'on pourra en tout cas se retrouver et faire ce qu'on doit faire ensemble. Voilà, peut-être que moi je ne sais pas pour vous poser une question, mais c'est pour les encourager et pour leur dire que nous sommes ouverts à toute discussion et nous sommes prêts à travailler pour tous les fils de la Casamance pour développer la Casamance. Voilà, à peu près là, c'est une contribution que je voudrais donner et dire merci, merci infiniment à tout le monde. Et je respecte vraiment les animateurs et les, en tout cas les gens qui pilotent le radio. Vraiment, je suis très fier et je vous encourage 100%. Merci donc à Dieu de Washington. Allô, l'homme, je l'ai invité, Manoria. Merci beaucoup. Sami, allez-y. Bon, c'est moi qui me remercie. Je vois que c'est quelqu'un, c'est un président qui s'est engagé pour le développement de la Casamance. Nous tous, en tant que fils de la Casamance, on a besoin de gens comme ça, qui pensent demain, voir un Casamance souffrir. Et lui, il est là-bas, vraiment, mon frère, vous devez vraiment travailler toujours pour le développement de la Casamance. Cette Casamance, aucune fils d'une autre raison ou bien de notre pays qui viendra travailler sans notre engagement. Il faut que nous, en tant que fils de la Casamance, nous engageons à trouver une seule voix, une seule parole pour pouvoir arriver là où nous voulons. Et je le remercie surtout. Et sur comment encore le forum qu'il va organiser, je veux dire que nous, la fédération, nous sommes prêts vraiment à se mobiliser pour la réussite de cette forum. Parce que nous voyons que c'est la seule voie qui pourrait vraiment faire les fils de la Casamance donner un espoir d'arriver sur le point qu'ils veulent. C'est juste, je le remercie surtout. Et surtout nos fils qui sont, parce que comme on a dit, c'est une fédération des associations. Mais on voit au niveau de l'Europe, bien, au niveau de l'Excel, de certains pays, il y a certains qui n'ont même pas, qui ne s'approchent même pas des associations. Mais on se dit que même si dans un pays où tu sais là-bas, tu entends cette communauté, il faut vraiment faire, disons, s'approcher avec des gens pour qu'on puisse vraiment arriver là où nous voulons. C'est dommage, mais c'est comme ça. Chaque jour, c'est difficile, dès le début, c'est difficile, mais certainement, on dorme, comme on le dit, un jour, ça, tout ira facile, avec la volonté. Et avec aussi les efforts que la radio Tandouk est en train de faire. Moi, je l'ai connu depuis le Tchalé et j'écoutais tout en Radio Tandouk. Vraiment, ce qu'ils ont en train de faire, ça permettra aux fils de la Casamance de revenir aux raisons. Et je vous remercie toujours et je suis à l'écoute. Merci beaucoup, Monsieur Sané. Chers auditeurs, je vous rappelle, vous êtes à l'écoute de Radio Tandouk Online dans l'émission La Voix des Jeunes, Bourossi Kambano. Ça a été demandé il y a maintenant peut-être une vingtaine de minutes. On va prendre une petite pause pour permettre à nos auditeurs donc, de prendre un verre d'eau. Et puis nous reviendrons sur les questions si vous en avez toujours. Merci et restez à l'écoute. Merci, monsieur. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Ok naturellement, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui, ouais, tu laisses le truc comme. Vous pouvez donc faire un tour là-bas et nous leur souhaitons une bonne sortie et que je pense bien que comme on le dit chez nous, qu'à partir de là, on va donc s'attendre au mariage multiplié des jeunes parce que là maintenant à la sortie, ils seront des adultes pleins. Ils auront droit à beaucoup de choses dont ils n'en avaient pas. Merci beaucoup et merci beaucoup. Samedi prochain et comme d'habitude à la même heure à 8h de New York, si nous du Sénégal pour une autre émission dont vous connaîtrez le thème et le sujet à partir de mercredi ou plus tard mercredi, vous pouvez le visiter via Facebook ou d'habitude dans le site tango.net. Merci. C'est fini?